Bien, alors, pour terminer sur cet aspect vision, mission, valeur, je vous montrerai encore d'autres exemples à d'autres séances, hein, pour ne pas trop vous abrutir avec ça, parce que c'est un peu théorique au départ, mais on va le concrétiser de plus en plus. Ce que vous devez, c'est savoir que c'est vraiment essentiel au niveau de la définition de l'identité d'une organisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises et d'organisations sont en train de refaire l'exercice parce qu'elles se rendent compte que ce n'est pas forcément clair ou pas évident. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, au niveau du grand public aussi, il y a une demande beaucoup plus importante de transparence de la part des entreprises et donc d'avoir aussi une identité claire. Et dernier point, sachez aussi que l'expression fondamentale. De la vision, pas de celle-là. L'expression fondamentale de la vision, c'est le slogan ou la baseline d'une entreprise. C'est normalement ça que ça doit exprimer, quand ça a été bien construit. D'accord ? On verra aussi différents exemples. Mais là, maintenant, pour la fin de la séance d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on termine le côté boussole. Rassurez-vous, la première question était la plus ardue, la plus longue. La deuxième, c'est répondre à la question « Où se situe-t-on ? » Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme type d'information avec cette question ? D'abord, c'est de voir un peu quelle est la structure de l'organisation. Sa structure, c'est très clairement son organigramme. Hein. Est-ce qu'on a un organigramme clair qui permet à chacun de s'y retrouver ? Parfois, la question, c'est est-ce que l'organigramme existe ? Vous avez comme ça des entreprises où ça n'a plus été mis à jour depuis 4-5 ans. Donc, quand vous arrivez, vous posez la question, ah oui, peut-être qu'on a un document. D'accord ? Or que c'est un des premiers documents qui exprime aussi comment l'entreprise fonctionne et où elle peut se situer. Dans cette question, où se situe-t-on, on va aussi se poser des questions pour savoir un peu d'où on vient, c'est-à-dire quelle est l'histoire de l'entreprise. Parce que l'histoire d'une entreprise donne aussi du sens. Parce que peut-être que vous avez relevé des défis dans le passé, et que les rappeler peut aider à passer les défis actuels ou futurs. Parce que dans l'histoire, il y a toujours des bonnes choses, des bonnes réalisations, qui peut aussi être bon de rappeler, de montrer tout le chemin qui est parcouru. D'accord ? Donc, c'est aussi un des rôles en communication interne dont on parle peu, c'est d'être attentif. Je ne vais pas dire que la communication interne est le gardien de l'histoire, parce que ça, c'est un gros boulot. Et vous avez des entreprises, et plus une entreprise est importante, plus vous risquez de trouver à l'intérieur une personne qui ne fait que ça, de s'occuper de l'histoire. Mais en tout cas, la communication interne doit poser la question de savoir si quelqu'un s'occupe de l'histoire. De garder les traces importantes, de recueillir ça pour qu'on puisse par la suite aller puiser dans l'histoire, dans les discours, pour ressortir les choses qui sont importantes. D'accord ? Donc ce côté histoire, c'est pas rien. Se poser la question de où on se situe, c'est aussi se poser la question de comment est-on par rapport à la concurrence ? Où est-ce qu'on se situe par rapport à la concurrence ? Est-ce qu'on est numéro 1 et donc ben, le risque c'est de ne plus l'être demain ? Et de se battre continuellement pour le rester. Ou bien est-ce qu'on est numéro 2 et qu'on a l'ambition d'être numéro 1 et qu'on bataille pour ça ? Vous voyez, la motivation n'est pas forcément la même. Et puis ce n'est pas forcément non plus une idée de classement. C'est par rapport à la concurrence, comment est-on perçu ? Est-ce qu'on est plutôt innovant ou pas ? Est-ce que par rapport à des concurrents qui proposent le même type de produits et de services, on s'adresse au même public ou pas ? Posez-vous la question de savoir pourquoi, quand je vous donne cours, J'ai en face de moi beaucoup plus de pommes que d'autres choses. C'est un indicateur de comment vous réagissez en termes de public vis-à-vis de vos outils informatiques et des entreprises qui les fabriquent. D'accord ? Donc le positionnement par rapport à la concurrence, il est important aussi. Il peut être d'autant plus important que vous l'avez vu, aperçu dans le reportage, entendu de ma bouche aussi, dans une entreprise aujourd'hui, vous trouvez différents types de métiers et de fonctions. Vous avez des spécialistes RH, vous avez des spécialistes commerciaux en marketing, vous avez des ingénieurs, des spécialistes des produits, vous avez peut-être des techniciens qui s'occupent des bâtiments, vous avez des tas, vous avez les informaticiens, vous avez des tas de métiers différents. Pour faire fonctionner l'entreprise. Mais certains de ces métiers ne sont pas forcément en prise directe avec l'identité même de l'entreprise, c'est-à-dire le produit ou le service qu'on propose. Et donc ça peut être important pour eux de pouvoir leur expliquer où on est par rapport à la concurrence, ne fût-ce que pour qu'ils comprennent aussi pourquoi on leur demande de travailler plutôt de telle ou telle manière, ou d'avancer plus rapidement sur tel projet plutôt qu'un autre. Hein, si vous prenez les problématiques de digitalisation aujourd'hui, digitalisation globale de la société, ben, il est clair que vous voyez dans toute une série de domaines une course pour savoir qui sera le premier à sortir l'application qui sera la plus performante et la plus intéressante et qui fera en sorte que la majorité vont prendre celle-là. Hein, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde bancaire, où ING a sorti une application de paiement par smartphone qu'ils avaient développé pour eux, et puis finalement la KBC s'est associée à eux pour le faire, et puis il y a quelques semaines, Belfius s'est associé aussi. Donc, je présume peut-être un petit peu, mais on est en train d'assister à la naissance de ce qui va remplacer le banc contact. Mais au départ, c'est une entreprise qui avait décidé d'avancer toute seule dans le domaine. Après, les autres se sont dit, on a peut-être intérêt à s'associer plutôt que de devoir développer de notre côté, parce que si on est concurrent là-dessus, ça ne va pas être intéressant. Il faut pouvoir expliquer ça à l'intérieur. Parce que peut-être que dans les autres banques, vous aviez des gens dans les départements informatiques et dans les départements de recherche de nouvelles technologies qui étaient en train de bosser pour lancer leur application. Hein. Et puis du jour au lendemain, on leur dit « Ah, ben non, finalement, pour vous, c'est fini parce qu'on va s'associer aux autres pour que tout le monde utilise la même. » Donc tout ça a des impacts de communication interne qui sont importants aussi. Alors, question suivante, comment échanger entre nous ? Ou comment est-ce qu'on fait pour la transmission globale de l'information ? Et là, ce qui est intéressant d'aller chercher comme information par rapport à cette question, c'est à la fois d'observer et de poser des questions pour dire finalement comment est-ce que les gens se parlent et échangent. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps aux machines à café ou dans les cafétérias d'entreprise, s'il y en a? Ou bien est-ce qu'on a d'autres points de rencontre ou d'échange? Autrement dit, ce n'est pas uniquement des outils formels. On verra plus tard que l'inventaire des outils formels est à faire aussi. Mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'informel. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres du personnel qui font du covoiturage ou qui sont ensemble dans les transports en commun et qui donc créent des liens et des formes d'échange qui ne sont peut-être pas directement liées au boulot, mais qui jouent, qui vont faire en sorte que l'environnement global en termes de motivation soit plus performant. Et tout ça sont des informations dont vous avez besoin pour pouvoir, par la suite, définir votre stratégie de communication et fixer vos objectifs stratégiques. Alors, la dernière question qui est la question « qu'est-ce qui nous rapproche ?» on l'a déjà un peu évoqué. Finalement, c'est tout ce qui est intimement lié à la culture de l'entreprise. Quelles sont nos valeurs communes? Quelles sont nos attitudes communes? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Qu'est-ce qui fait que toute l'entreprise va avoir envie, même dans une situation de crise, de se lever et de continuer à avancer? Et ça, sont des éléments qui sont aussi très importants parce qu'ils vont pouvoir être leviers dans votre stratégie et dans les actions que vous allez proposer, dans les outils que vous allez mettre en place. C'est de savoir qu'est-ce qui va faire que les gens se bougent. Vous avez comme ça, ça a fait fureur à une époque, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais des entreprises où le personnel avait décidé, tiens, un jour par mois, plutôt que d'avoir le repas du midi gratuit à la cantine comme il l'avait, on ne prend pas ce repas. On demande simplement à l'entreprise de nous fournir une soupe. Et la différence en argent cash, elle part tous les mois dans une association, à MSF, à la Croix-Rouge, des choses comme ça. Vous avez dans les entreprises beaucoup d'actions comme ça qui sont mises en place au départ du personnel, et qui crée, qui participe à cette culture d'entreprise, à cet esprit de corps social, et vous devez en tenir compte. Parce que c'est là que vous avez des éléments moteurs qui font bouger les choses. Ça va? C'est clair sur ces quatre questions? Alors après, avant, puisqu'on n'en est toujours pas à formuler une stratégie, pas pour la semaine prochaine. Il y a encore des informations dont on a besoin pour ne pas faire une stratégie à partir de zéro. L'information suivante, c'est de faire l'inventaire de tous les outils existants en com interne. Est-ce qu'il y a un journal d'entreprise, papier ou électronique? Est-ce qu'il y a une ou des newsletters? Est-ce qu'il y a un intranet? Oui, non, comment? Est-ce qu'il y a des réunions d'information organisées de façon régulière pour le personnel? Est-ce qu'il y a des événements internes qui sont aussi organisés dans ce cadre-là? Comment gère-t-on la circulation des mails, des documents, etc., etc.? D'accord? Donc cet inventaire, ben, pour vous c'est la base parce que vous n'allez pas réinventer des outils s'ils existent déjà. Et puis parfois c'est intéressant de faire un inventaire systématique parce qu'on découvre des outils qui existent et on ne savait pas qu'ils existent. Parce que dans un département on a fait une petite newsletter ou bien on a créé une partie privative dans l'intranet que personne ne voit mais ils ont un petit truc bien à eux. Ben, c'est intéressant de savoir parce que ça veut dire que ça répond à un certain besoin et c'est normalement à la communication interne de voir comment elle va pouvoir rassembler ça. Dernière chose qui va être importante dans votre inventaire, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes? Parce que s'il y a déjà eu des enquêtes, ben, c'est certainement plein d'enseignements. Et vous avez plutôt intérêt à en tenir compte que de partir à contre-courant. Posez-vous la question, posez la question dans les autres départements, très souvent en RH, est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes de satisfaction du personnel et ou de communication interne et quels étaient les résultats? Est-ce que suite à l'enquête, des actions ont été entreprises, oui ou non? De nouveau, de façon à ce que vous ne mettiez pas en place une stratégie qui serait bâtie sur du sable, tout simplement parce que vous ne tenez pas compte de la réalité. D'accord? Donc on est ici vraiment dans des choses très concrètes. Alors tous ces outils, on aura l'occasion dans les séances suivantes d'en voir des exemples précis, hein, parce que c'est malheureusement pas tout mélangé, mais ça fait partie de cet inventaire que vous devez faire avant de construire une stratégie. qu'est-ce que vous avez en main au départ pour pouvoir décider qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'accentue, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que j'arrête éventuellement dans votre stratégie générale. Ça va ? Bien, on n'en est toujours pas à formuler une stratégie parce qu'il y a encore un truc important qui manque et le plus important, c'est caractériser votre public. Comme on l'a amorcé tout à l'heure, dans une entreprise, dans une organisation, vous avez la chance d'avoir normalement toute une série de données qui vont vous permettre d'avoir une photographie à peu près complète de votre public. Quels critères avez-vous à votre disposition? Qu'est-ce que vous allez avoir comme type d'information que vous allez pouvoir recueillir normalement facilement et qui vont être utiles pour vous dans les caractéristiques du public? Allez, allez, les dernières minutes de réveil. Après, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire la sieste. Comment vous allez caractériser votre public dans une organisation? Quels sont les critères? Oui. L'âge, ça fait un. Le genre, ça fait deux. La fonction. Quoi encore? L'ancienneté. Mais l'ancienneté, c'est quelque chose d'important aussi, de plus que pour tout ce qui est résistance au changement et support du changement. Quoi encore? On parle de caractéristiques publiques internes. Hein. Maintenant, on peut se dire aussi que le public interne est consommateur des produits et services, mais je veux dire que c'est moins intéressant dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre comme caractéristiques? On a dit âge, genre, ancienneté, fonction. On est en Belgique, mes amis, hein. Le régime linguistique, la langue. J'imagine que vous savez que dans une entreprise, aujourd'hui, légalement, vous êtes obligé de communiquer aux membres du personnel dans la langue de son contrat d'engagement. Si vous avez signé un contrat en néerlandais, les informations officielles de l'entreprise doivent vous parvenir en néerlandais. Faites gaffe, hein, parce que si vous êtes francophone et qu'on vous fait signer un contrat en néerlandais parce que c'est plus facile, ça veut dire que vous aurez tout en néerlandais. Et ce sera légal. Mais en termes de communication interne, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, on se dit, on doit tout faire en deux langues. Bon, majoritairement, on le fait. Mais dans beaucoup d'entreprises, et notamment dans les PME ou les start-up qui grandissent, on se dit, oh les gars, on va simplifier les choses, hein, anglais pour tout le monde. Et donc, on fait les communications en anglais, et ça se passe bien, jusqu'à ce que l'entreprise grandisse, qu'au-delà de 50 personnes, comme vous le savez, il faut mettre en place un conseil d'entreprise et un comité de sécurité et d'hygiène, donc une représentation syndicale, et puis qu'un jour, en conseil d'entreprise, il y a un représentant syndical qui dit au patron, et là. Vous, maintenant, vous respectez la loi. Hein. La communication vers le personnel dans la langue de son contrat d'engagement. Et vous êtes tenu de le faire. D'accord? Donc, ce n'est pas rien, le critère linguistique. Qu'est-ce qu'on a encore comme critère pour notre public? La localisation géographique. Tout le monde est dans le même bâtiment? Vous êtes une entreprise locale, régionale, nationale, internationale, concentrée ou pas? Quoi d'autre encore comme critère? Ben, la culture, hein. Les cultures d'origine. Aujourd'hui, c'est important aussi, si vous voulez respecter les différents publics et choisir les bons moments ou les bonnes modalités pour communiquer. Et si vous êtes une entreprise où vous avez 20% de personnel musulman, vous n'allez pas organiser un team building ou une fête avec un gros repas pendant la période de Ramadan. Et donc les données, vous devez les avoir, c'est important pour que vous preniez les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir comme caractéristique? Le turnover de l'entreprise, vous savez ce que c'est tous, j'imagine. Donc c'est la vitesse à laquelle on a des rotations et du remplacement de personnel. C'est aussi important parce que ça va vous dire si vous devez revenir régulièrement sur l'expression et l'explication de l'identité et des valeurs. Si vous avez un personnel qui bouge beaucoup, s'il est relativement stable, ben, ce sera peut-être moins. D'accord ? Donc, toutes ces caractéristiques, et encore une série d'autres, elles existent dans l'entreprise et vous allez les trouver dans ce qu'on appelle un bilan social. Le bilan social d'une organisation, c'est la même chose que son rapport annuel côté financier, mais pour le personnel. Et vous avez les chiffres, les graphiques, les évolutions, vous avez même les données de formation normalement. Et tout ça vous donne une photo très précise de quel est votre public cible. Oui, moyen aussi de locomotion. Il peut aussi y avoir les moyens de locomotion. Donc, c'est comme je disais il y a deux minutes, vous avez des tas de données existantes dans la base de données de personnel. Donc, vous avez aussi les questions de famille, conjoint, nombre d'enfants, l'âge des enfants, etc. Tout ça existe. Alors, vous devez aussi l'utiliser en étant respectueux de toutes les problématiques de la loi sur la vie privée, mais vous pouvez consulter ces données pour prendre des décisions qui seront correctes pour votre entreprise et par rapport à votre stratégie. À taille égale, vous n'allez pas faire le même événement d'information si vous êtes chez Deleuze ou chez Mercedes. Ce n'est pas du tout le même public. Alors ça paraît évident comme ça, mais c'est plus complexe aussi quand on va analyser ces données. Donc vous devez aller chercher ces données au département du personnel pour, je dirais, tracer les grandes lignes de caractéristiques de vos publics. Et voir où vous allez mettre vos priorités, comment vous allez définir vos objectifs. Et c'est une chance inouïe, en communication externe, vous n'avez jamais ça. Vous n'avez jamais cette occasion d'avoir autant de données précises sur vos publics cibles. Donc, utilisez-le. Avez-vous des questions jusqu'ici? Je vous sens un peu amorti aujourd'hui. C'est la chaleur, on va dire. Hein. On va essayer de régler ça pour la semaine prochaine, parce que ça fait un problème. Bien, pour aujourd'hui, on s'arrête là parce que c'est un gros chapitre qui est terminé. On verra des exemples encore plus concrets la semaine prochaine, d'accord ? De formulation de stratégie et encore de formulation d'identité. Si vous en trouvez, vous pouvez en amener aussi.